Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En termes de groupe local aujourd'hui, non, c'est jamais un groupe local complet qui vient chez Fadjet. C'est toujours des invités eux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver à nouveau Denis. Bonjour. Bonjour Denis, parce que tu es un régulier et sympathisant Oxfam depuis... Depuis longtemps. Et on s'est dit entre nous que partager un agenda, c'était une bonne chose. Eh bien oui, sur les événements qui ont eu lieu, parce qu'il y a des événements extrêmement importants qui ont eu lieu avant la diffusion de cette émission. C'est vrai. Et puis sur les événements après. Bien sûr. On va en parler. C'est avant tout le message qu'on veut passer ce mois-ci. Et puis j'ai également autour de cette table deux invités, eux. Merci d'être là. Anisha et Mina. Bonjour. Alors, une surprise, parce qu'on s'est trouvé récemment au marché du monde solidaire, où vous étiez là pour la première fois, certainement. Exactement. Oui. Parce que j'ai cru comprendre que vous découvrez et la ville et l'agglomération. Non, pas la ville. Non. Parce qu'on était là... En fait, ça fait un an qu'on est là. Oui. Un an, d'accord. Oui. Vous nous direz tout ça dans la deuxième partie de l'émission. On va, d'accord, avec Denis, déjà partager l'agenda. Et puis, c'est pas des questions pièges, hein, rassurez-vous. Génial. Et puis, pour aujourd'hui, honneur à vos choix musicaux. Et Denis, on avait dit qu'on allait parler de ce qui s'est passé. Oui, il y a eu deux événements extrêmement importants. Et le premier, c'est la venue des objecteurs de conscience israéliens à Nancy. Ça a été un événement assez extraordinaire. Donc, c'est des gens, ces deux garçons, ils ont 19 ans. Ils sont dans un pays qui est en guerre depuis qu'ils sont enfants. Ils ont été élevés dans la propagande nationaliste et sioniste habituelle en Israël. Il y en a même un qui est issu d'un milieu très conservateur qui soutient l'actuel gouvernement Netanyahou. Et ils ont basculé. Ils ont pris conscience que leur pays commettait des crimes. Et ils sont d'accord, ils font partie de la minorité des Israéliens qui sont d'accord avec les accusations de génocide. Bien sûr. Et donc, ils ont décidé, chacun de leur côté, ils ne se connaissaient pas, ils ont décidé de refuser de servir dans l'armée israélienne pour ne pas être complices d'un génocide. Et donc, ils sont venus raconter leur histoire. C'était le 20 novembre, à Vendeuvre, et la salle était comble. Et c'était une conférence rencontre, on peut dire. Et il y avait plusieurs générations. Il y avait des jeunes. Il y avait le mouvement étudiants et lycéens pour la Palestine, qui est un mouvement tout à fait récent, avec des mouvements comme nous, Oxfam, le mouvement pour une alternative non violente, l'association France-Palestine Solidarité, Amnesty International. Très présente à Nancy. Oui. Voilà tous ceux qui sont habituellement sur la cause palestinienne. Donc là, il y avait toute une tout un mélange de populations pour les écouter. Ils ont 19 ans, ils se sont rencontrés en prison. Y en a un, il a fait 200 jours de prison. Quoi. Donc leur témoignage était hyper intéressant. Ça, c'est... Merci pour ce témoignage. Et bon, tu sais qu'un quart d'heure passe vite. Bien sûr. Mais c'était vraiment très chouette. Et effectivement, chaque fois, le MAN a dans sa newsletter d'excellents rendez-vous à chaque mois. Vous pouvez vous abonner à la newsletter du Mouvement pour une alternative non violente. Il n'y a pas de souci. Voilà, en même temps qu'aller voir la page Facebook de Oxfam ou quelques autres amis que tu as cités, bien sûr. Et puis, écouter Fadjet régulièrement, ça fait du bien aussi. Bon. Et ensuite, en regret, entre guillemets. Alors, en regret, le vendredi 5 décembre, il y avait une excellente initiative de RAMSA. Uh-huh. RAMSA, c'est une association qui existe depuis très longtemps sur Vendeuvre, qui fait un travail d'éducation populaire absolument remarquable et de lutte contre le racisme en même temps et de lutte aussi contre l'islamisme. Ouais. Et RAMSA a invité un spectacle qui s'appelle Les Tirailleurs. Et donc, c'était le vendredi 5 décembre à 19h30 à la salle des fêtes. Et c'était. De Vendeuvre, ouais. Et c'était remarquable parce que c'est du théâtre et en même temps, c'est du témoignage historique. Et donc là, on est complètement dans l'éducation populaire. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer dans cette veine à RAMSA. Mmh. Ben, merci, Denis. Et ensuite, quelque chose qui va arriver, donc peut-être oui. L'émission sera passée ou presque, mais... Ah non, j'espère pas. Allez. Allez. Dans Paris. Le 8 décembre. Le 8 décembre, il y a Oxfam et Le Mans et plein d'autres associations, dont Greenpeace, etc., qui sont regroupées au niveau du plan B. Là, c'est au niveau écologiste. Le 8 décembre, il y a le film Demain qui fait une ressortie. Ça va vous donner un peu le vertige. 2015, Cyril Dion, le film Demain, la COP 21, mm-hmm. les manifestations pour le climat jusqu'en 2018-2020. Maintenant, on est 10 ans après la parution de ce film absolument fondamental, qui est aussi un livre. Hein. Donc, on ressort demain et on organise toutes ces associations un live avec Cyril Dion. Plus précis, en fait, c'est la boîte de production et ouais. Cyril Dion qui ont souhaité que le film passe partout en France en même temps. Et à la fin de la projection, Cyril Dion intervient en visio à 22h précises. Dans X Cinéma en France, je crois qu'il y a 70 salles au moins. C'est ça, dont le caméo Commanderie. Dont le caméo Commanderie, et parce que la boîte de production a repéré aussi bien Oxfam que Greenpeace sur ce coup-là pour favoriser la projection à Nancy. Mais en lisant les villes, il y a également Metz en Lorraine, et également, je crois, Épinal. Peut-être à Épinal, mais sur à Metz. Ouais. Et donc ça, c'est un événement tout à fait intéressant parce que toutes les organisations écologistes ou altermondialistes ou humanistes bossent ensemble sur ce projet. Et ce n'est pas la première fois annoncé. Oui, et sans oublier que Cyril Dion était à l'initiative d'Alternativa, qui était quelque chose de très réussi à Nancy il y a déjà une dizaine d'années. Ben oui, 2015. Voilà. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les 10 ans du mouvement écologiste, ce mouvement social extrêmement important et qui... Comment il va maintenant, quoi ? Enfin, les acquis, les difficultés, comment on arrive à penser une bascule écologiste de notre société ? Est-ce que c'est encore d'actualité ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'alerter sur les changements climatiques ? Sans oublier que chez Oxfam, on met toujours en face l'aspect social. Bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y aura pas d'écologie sans justice sociale, ça c'est clair. Merci Denis pour ces précisions. C'est toujours un plaisir d'être invité par Oxfam sur Fadjet. Pour ce premier choix musical, comme énoncé Mina, avec plaisir, ton premier choix musical, tu peux nous en parler ? Oui, c'est une musique japonaise qui a inspiré en fait des années 1960. Mmh. Donc on a en fait un mélange entre les deux cultures, donc la culture occidentale qui était très présente à l'époque. Bah, c'est deux artistes, Pink Martin et l'autre, je ne me souviens plus, désolée, qui chantent ce son. Si je devais résumer en un mot, c'est un son qui parle de consolation. L'objectif est d'accompagner quelqu'un en fait qui se sent pas très bien, qui est en souffrance et le réconforter avec cette musique. C'est deux cultures qui parlent, aussi bien japonaise qu'occidentale. Exactement. Donc là, oui, on est bien dans une mondialisation positive. C'est ça. みんな歩いているのね。 Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, merci Mina parce que c'était une découverte ce morceau. Et... voilà. Et donc à tes côtés, Anisha, qui c'était le point d'accroche quand on s'est rencontrés à ce marché du monde, quand j'ai entendu Oxfam Québec, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Je me suis dit, oh là là, mais il faut qu'on continue à discuter et pourquoi pas devant quelques micros. Ton parcours, tu peux nous en dire un petit peu comment. Tu es arrivée là-bas à Québec ou comment? Oui. Tu as rencontré Oxfam? Oui, bien sûr. Donc, pour commencer, je suis allée faire mes études à Montréal. Donc, j'ai fait ma licence en relations internationales, droit international là-bas. Parce qu'en fait, toute ma vie, je me suis un peu engagée dans tout ce qui est humanitaire et aussi l'action sociale. Et par la suite, j'ai pu trouver Oxfam. Et ça, c'était pendant ma troisième année, donc la dernière année, en fait. Parce qu'avant, j'étais dans une association humanitaire aussi. Mais pour Oxfam, d'ailleurs, j'ai trouvé sur Indeed. Et je connaissais pas trop Oxfam au début, parce que c'était pas vraiment connu comme les autres, comme UNICEF et autres. Bon, en tout cas, pour moi. Ouais. Et après, j'ai pu faire mes recherches et je me suis dit, bon, ça regroupe toutes les choses qui m'intéressent, toutes les choses que moi, j'ai envie de mettre en place, en fait, toutes les choses et toutes les personnes que moi, j'ai envie d'aider. C'est comme ça que je suis arrivée à Oxfam. C'est la notion d'aide, d'abord. Hein. Oui, c'est la notion d'aide pour moi. Ouais. La notion d'aide et équité. Équité. Ouais. Et tu as trouvé qu'Oxfam, c'est plutôt sérieux comme ONG. Oui, c'était plutôt sérieux. C'était très sérieux, d'ailleurs. Et en gros, ce que moi, je faisais, c'était plutôt la sensibilisation, mais aussi le recrutement des donateurs, en gros. Ouais. Donc, on partait en chercher des donateurs, mais tout le monde connaissait déjà Oxfam. Ah bon, oui, donc, c'est vrai. Oui, donc pour nous, c'était pas une découverte pour eux, mais on a pu quand même apporter, les projets qu'ils voulaient mettre en place, mais aussi les actions qui étaient déjà mises en place. Et c'était donc à Montréal? Oui, c'était à Montréal. Et alors, Oxfam Québec fait comme Oxfam France, c'est-à-dire à la fois du plaidoyer de haut vol ou de haut niveau auprès des décideurs. Et l'aspect de don, parce qu'effectivement, il y a toujours ce souci que la majorité des dons viennent des dons privés, enfin des dons de citoyens, pour ne pas dépendre de subventions trop importantes. La Confédération a toujours un œil là-dessus. Et également, donc, des actions humanitaires de terrain. Est-ce que Oxfam Québec va sur le terrain en Afrique de l'Ouest, par exemple? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des salariés d'Oxfam Québec qui étaient en... du côté du Sahel ou de la Mauritanie. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Moi, je pense que peut-être depuis 2023, ça a sûrement dû développer. Mm-hmm. Mais dans mon temps, je sais qu'ils étaient déjà, par exemple, au Liban. Mais à part ça... Oui, c'est juste. Oui, j'ai ce retour aussi. Parce qu'il y a un très, très grand camp de réfugiés au Liban à l'époque du problème de la Syrie. Le Liban était le premier pays à accueillir un nombre de Syriens invraisemblables, dans des conditions extrêmement difficiles. Et le programme WASH d'Oxfam International s'occupe des toilettes et d'adduction d'eau, enfin des citernes d'eau, etc. Ils étaient aussi, dans mon temps, au Congo, pour les femmes... Un programme victimes. Pour les femmes. Oui, il y a des programmes pour des femmes, des victimes. Mmh. Et, c'était les deux projets qui m'ont vraiment intéressée. Donc, okay. C'est plutôt sur ça que moi, j'étais dans le moment, dans le temps. Et tu étais salarié Oui, j'étais salarié. Pendant deux ans pendant... pendant un an. Un an, ok. Un an. Parce qu'après, je suis partie en Erasmus, donc. Ok, bon, très bien. Ravi de ton témoignage. Et puis, tu as un choix musical aussi pour plus tard dans la mission, pour clôturer. Oui, j'ai un choix musical, mais moi, je n'étais pas, comment dire, stratégique comme Mina. Moi, j'ai juste pris une chanson qui me parlait, une chanson que moi, j'aimais bien. Mm-hmm. Et en plus, c'est en violon. Moi, je ne sais pas, moi je me suis dit, bon, j'aime bien, je mets ça. Mm-hmm. Mais ouais, j'aurais dû être plus stratégique comme Mina, on va dire. Non, ce n'est pas grave. Comme vous êtes là, Mina et toi, et que sur le dernier quart d'heure de l'émission mensuelle, on parle plutôt de la cause des femmes ou de ce plaidoyer important que porte Oxfam France et la Confédération pour un avenir féministe. J'ai déjà demandé à Mina, depuis il s'est passé MeToo, il s'est passé des tas de choses, maintenant on est dans... Est-ce que tu as, à ton niveau, rejoint des plateformes de plaidoyer, ou est-ce que tu es pour cette cause vraiment, ou est-ce que tu es non. proche ou éloigné, je ne sais pas ou... Non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, moi, là, je suis sur un projet avec le PIL, du coup, pour... Le PIL qui est P2EL. Oui, exactement. En fait, c'est un incubateur pour les étudiants entrepreneurs. Voilà, c'est oui, pour okay. les accompagner dans leur projet. Donc, moi, je suis une jeune diplômée, j'ai envie d'avoir mon diplôme. Mmh. Et du coup, ben, j'ai entamé un projet avec eux, okay. donc, de création d'entreprise, on va dire. Okay. Et donc, en fait, mon objectif serait de déjà vulgariser un peu tout ce qui est éco-conception, sensibiliser un peu plus les gens en fait, à cette manière de concevoir en prenant en compte les problématiques environnementales. Okay. Et ensuite, faire potentiellement une activité, donc un service d'upcycling de meubles. Voilà. Plutôt des meubles, oui. Une recyclerie. Oui, un peu dans ce genre-là. La conception derrière. C'est ça. Exactement. Et donc, tu es universitaire, enfin, tu es auprès de l'université. Oui, du coup, je suis étudiante encore. Mmh. Et en fait, le PIL, c'est un DU, donc c'est un diplôme supplémentaire. Tu as une priorité, c'est effectivement. Oui, c'est l'écologie. Job, plutôt que. Voilà. Et toi, de ton côté, Anisha ? De mon côté, là, je suis en DU de médiation. Pour m'aider avec... Bon, en gros, allons dire que Mina m'a un peu motivée aussi pour aller rejoindre le PIL. Ah. Mais moi, c'est plutôt pour une idée associative, plutôt de prévention, en fait, pour des jeunes en situation précoce. Mmh. Et c'est un projet qui est en cours, ouais. on peut le dire comme ça. Et j'ai déjà trouvé un titre, j'ai déjà trouvé... la forme. Et en gros, moi, je veux juste aider des personnes qui n'ont pas forcément l'aide. Je me suis plutôt basée sur les jeunes aussi, en gros, parce que je me suis dit, il y a tellement de jeunes qui viennent ici, à Nancy, ou juste en France, des pays étrangers, ou même des personnes, des réfugiés, ou des choses pas, des personnes pareilles. Mmh. Et en gros, moi, je me suis dit, il y a des personnes comme ça qui se retrouvent dans des situations assez triste. Très difficile. Oui, difficile, triste. Et puis, au lieu de prendre le bon chemin, ils peuvent se détourner vers un mauvais chemin. Par exemple, avec la drogue, avec l'addiction, avec les idées, les idées noires, sombres, des choses négatives. Donc, je me suis dit, bon, avec tout mon parcours associatif, humanitaire, pourquoi ne pas essayer de mettre en place une association maintenant ? Parce qu'en fait, je voulais toujours aussi être chargée de projet. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, dans l'humanitaire ou dans l'action sociale, mais on va pas se mentir, l'humanitaire, c'est quand même un secteur assez serré, si on peut le dire comme ça. Et je sais qu'il y a pas autant d'associations de prévention. C'est plutôt des associations qui réagissent après ou pendant. Donc, moi, je voulais agir avant. Bon, beau projet. Pour la suite de cette émission, Denis, en écoutant tout ce témoignage, peut-être tu peux rebondir. Tu as joué. Ah oui, oui, mais ça me fait du bien. On a un souci dans nos associations qui existent depuis longtemps, Le mouvement pour une alternative non-violente, par exemple, vient de fêter ses 50 ans. Et on a un souci pour s'adresser à la jeunesse, pour essayer de faire des ponts aussi, pour essayer de voir à quel besoin, nous, on pourrait répondre et comment vous aider aussi transmettre non seulement des idées, mais aussi des outils. Voilà. Et donc, ce type de rencontre fait beaucoup de bien et je suis très content que vous ayez été au marché du monde solidaire, qui existe lui aussi depuis une vingtaine d'années et qui permet ce type de rencontre. Autrement, on ne se connaîtrait pas, on n'aurait pas pu faire cette émission ensemble. Oui, c'est ce qu'on appelle le réseau. Enfin, voilà. Oui. Denis, on est très friands de ce genre de ce mot-clé. On réseaute. Nous réseautons, ils réseautent. Et vraiment un plaisir de vous avoir accueilli. Et puis, on a envie de continuer les discussions hors micro ou une autre fois ici, bien sûr. Avec plaisir. Pour terminer aujourd'hui, au moment où on enregistre, il y a une grande nouvelle, mais ce sera malheureusement passé. Mais ça, j'étais prévenu très tardivement. Notre directrice générale Oxfam est présente à Nancy aujourd'hui. Donc, je vais m'empresser d'aller la rejoindre à l'hôtel de ville, puisque... Il y a ce jour un apéro débat sur l'engagement citoyen à la mairie. Avec Cécile Duflot. À l'invitation du maire Mathieu Klein. Tout le monde ne sait pas que Cécile Duflot est la directrice générale d'Oxfam. Oui, on confond souvent la présidente et la directrice. Et Madame Duflot est directrice de l'équipe salariée. Mais Oxfam est avant tout une association faite de bénévoles avec un président, un bureau, un CA de bénévoles. Eh bien, Anisha, il te revient de nous en dire un peu sur ton choix musical. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, par exemple? Bah, allons commencer avec le titre. Le titre, c'est Batter. Okay. Batter, en anglais, ça veut dire mieux ou meilleur, tout simplement. Ah, c'est pas bataille. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Bah, la deuxième raison, c'est parce que, en fait, j'aime bien entendre le violon, en fait. Parfait. Je suis pas compliquée, moi. Très bien, merci à toi, Anisha. Merci.